Jazz Time, présenté par Gérard. Aujourd'hui, rendez-vous avec l'ami Denis qui nous présente un programme qu'il a conçu spécialement pour vous. Bonjour Gérard, bonjour, merci de m'accueillir une fois de plus. Alors, au menu. Au menu des nouveautés, en tout cas des disques parus au printemps, essentiellement en mai-juin, puis un qui remonte à la fin du mois de mars, oui, c'était autrefois. Non, des nouveautés. Et pour commencer, si vous voulez, nous allons commencer par un batteur qui se fait plutôt rare et qui se consacre exclusivement depuis une trentaine d'années à ses propres créations. Je veux parler de Monsieur Bertrand Renaudin. Alors c'est un musicien passionné de voyage qui a eu l'occasion d'effectuer beaucoup de tournées à l'étranger. Il a parcouru le Moyen-Orient, la Syrie, l'Égypte, la Palestine, les Balkans, le Japon, l'Afrique et enfin je crois qu'au total il a parcouru plus de 30 pays. Et celui qui fut autrefois l'élève de Kenny Clarke a publié une trentaine de disques et monté en 2014 un nouveau trio avec Hugues Rouzet au saxophone et Sébastien Dauchy à la contrebasse. C'est une formation qui a publié You've Got the Watch, We've Got Time en 2016. J'aime bien le titre de ce disque. Vous avez la montre, nous avons le temps. Je trouve ça excellent. Mais c'est aussi un passionné de botanique qui a décidé, il y a une dizaine d'années, de s'installer dans le Loiret pour créer un jardin, l'Atelier Blanc, qui est inspiré par les jardins zen du Japon et leur manière de tailler les arbres qu'on appelle la taille en nuages. Et c'est ce qu'il appelle un jardin intuitif, dans la mesure où Bertrand Renaudin laisse autant que possible la nature faire son travail. Alors, je vous dis pas cela par hasard, parce que le trio de Bertrand Renaudin qui est augmenté pour l'occasion de Jean-Christophe Chollet au piano, de Xavier Mertier en percussion, vient de faire paraître un nouvel album dont la musique est directement inspirée par ce travail de jardinier et il s'appelle La Tentation des Nuages. Donc vous avez compris pourquoi je vous disais tout cela et j'aimerais, avant que vous nous disiez quelques mots, vous lire quelques lignes qui résument un peu l'état d'esprit de ce disque. Je cite Bertrand Renaudin. « La vie débute le jour où l'on commence à vivre un jardin. Si l'amour d'un jardin t'emporte, ne demande pas où il va. » Le plus grand voyage n'est pas de faire le tour du monde, mais le tour d'un jardin. Que cette musique vous soit agréable, comme elle vous est donnée, simple et élégante. Et je crois que vous vouliez rajouter quelque chose au sujet de Bertrand Renaudin. Et oui, Denis, on va continuer à citer Bertrand Renaudin, qui est non seulement musicien, amateur de jardin, il est peintre, poète. Et il avait publié en 2002 un recueil de courts textes dans lesquels la musique était très présente. Alors je vous propose quelques lignes, extraits de ce livre qui a pour titre « Optimiste ». Au sujet de la musique, voilà ce qu'il écrit. « La musique et le chant ont toujours été le soutien des pauvres. » Plus loin, la musique serait ce qu'il y a de merveilleux dans le monde si, point de suspension. Et enfin, la musique est l'énoncé d'une relation entre l'homme et le monde. La musique est une quête de l'inexplicable. Elle sollicite toujours une nouvelle relation. On connaît mieux maintenant Bertrand. Eh bien, comme on le connaît par ses écrits, maintenant je vous propose de le découvrir par sa musique, avec un extrait donc de son nouveau disque La Tentation des Nuages. C'est une composition qui est intitulée On ne saurait mieux dire, Les Herbes de chez moi, Bertrand Renaudin. Le récent album du batteur Bertrand Renaudin, un album qui a pour titre « La tentation des nuages » et Denis, vous aviez choisi le thème « Les herbes de chez moi » puisque Bertrand Renaudin est à la fois batteur, poète et jardinier expérimenté. Vous nous donnez le nom des musiciens qui font alors, partie de ce groupe. Alors, il y avait donc, outre Bertrand Renaudin, la batterie, Hugues Rouzet au saxophone, Sébastien Dauchy à la contrebasse, ça c'est le trio, et puis pour l'occasion, le trio était augmenté de Jean-Christophe Chollet au piano et de Xavier Mertian aux percussions, notamment au, ce qu'on appelle les steel drums, voilà, ces percussions en acier qu'on entendait largement dans les herbes de chez moi. Et reconnaissons que pour commencer un Jazz Times, ce petit thème fait beaucoup, musique très beaucoup gay, voilà, fraîche, et plein de groove, hein, comme on tout dit. À fait. Voilà. Alors, je voudrais maintenant vous parler d'un trio pas comme les autres, dont le nom Sci-Fire n'est pas simple à traduire. J'ai posé la question à Sven Poulsen, qui est le guitariste danois, qui en est l'un des membres, et bon, il m'a confirmé que ça voulait tout simplement dire le feu du soupir. C'est une traduction littérale. Ce disque a été publié chez Das Kapital Records. Normal, puisque Sven Poulsen est un des membres du trio Das Kapital. Il est sorti il y a quelques temps déjà, à la fin du mois de mars, mais j'avais envie d'y revenir parce qu'il faut bien le reconnaître. Alors, il fait vraiment partie de ces disques qu'on pourrait qualifier d'indéfinissables. Dans un petit message qu'il m'avait envoyé, Sven Poulsen le qualifie lui-même, j'aime bien l'expression, de beau mélange de fusion fusionnelle. Voilà, c'est, je trouve ça assez révélateur, là encore, de l'état d'esprit qui anime ce disque. Et donc, c'est un trio dans lequel on retrouve un autre Danois, le claviériste Johan Dalgaard, qui est installé en France depuis une vingtaine d'années et qui a eu l'occasion de se produire très souvent sur scène, notamment aux côtés de chanteurs de variété, mais aussi de Liz McCombe, le groupe C.G. Moon ou Alan Stivell. Et le troisième membre du trio, lui, est anglais. C'est le saxophoniste clarinettiste Peter Corser, alors, qui est également installé en France depuis 20 ans et dont le champ artistique couvre aussi bien la musique que la danse ou le théâtre. Alors, Sci-Fire, le trio, s'est constitué en 2015 avec comme matière première alors, la musique répétitive, l'improvisation même minimaliste et le chant. Alors vous avez compris, ce sont des influences multiples qui viennent du jazz, du rock progressif, mais aussi de la world music, je dis ça vraiment de façon simplifiée, du fait notamment de la présence récurrente de chants arabes. Et pour le disque, le trio s'est adjoint sur certains morceaux, le concours de différentes voix et pas des moindres, comme celle d'André Mainviel, San Severino ou Claudia Poulsen, sans oublier le chanteur de jazz tunisien Mounir Troudi et le chanteur, poète, slammer égyptien Abdullah Minyaoui. Et ce sont d'ailleurs ces deux derniers que nous allons pouvoir écouter dans une composition qui est intitulée Stories from the South, ce qui veut dire les histoires du Sud. Donc je vous dit le nom des musiciens, Hasse Poulsen à la guitare, Peter Corser au saxophone, Johan Dalgaard au clavier, ainsi que Mounir Troudi et Abdullah Minyaoui au chant, c'est Sci-Fire. Yeah. Musique du monde, Denis. Oui. Avec un trio qui s'est agrandi du fait de l'adjonction de deux vocalistes. Je donne le nom du trio, enfin des musiciens. Allez-y, du... allez-y, je vous écoute. Voilà. Le saxophoniste Peter Corser. Ensuite, on a au clavier Johan Dalgar. Et puis, Asse Poulsen, que tout le monde connaît, guitare, basse, voix. Et puis, donc, deux vocalistes, Mounir Troudi et Abdullah Minayoui. C'est un album qui a pour titre Sidefire. Et vous aviez choisi le thème Stories from the South. Voilà. Et il faut préciser, puisque nous sommes en Lorraine, que Sidefire se produira au festival Jazzpot le 29 juin prochain, dans une formation légèrement différente, puisque désormais, semble-t-il, les claviers sont tenus par Emmanuel Borghi. Alors, Emmanuel Borghi, que nous allons maintenant retrouver, notez quand même comme la transition est habile, puisque le pianiste a publié au début du mois de mai chez Asahi Records un magnifique disque en trio qui s'appelle Secret Beauty, la beauté secrète, avec pour compagnon de musique les excellents Jean-Philippe Viret à la contrebasse et Philippe Soira à la batterie. Philippe Soira qui sortira, je vous le dis dès à présent, au début 2019, son deuxième disque. On l'attend avec impatience. Alors, au sujet d'Emmanuel Borghi, bah, on se souvient que celui qui fut longtemps le pianiste de Magma et de différentes formations de Christian Vander avait publié en 2012 Keys, Strings and Brushes, en trio déjà, mais avec Blaise Chevalier et Antoine Paganotti, Il faut aussi rappeler qu'Emmanuel Borghi est à la manœuvre dans le groupe Himiko, avec Himiko Paganotti, sa femme, Antoine Paganotti et Bernard Paganotti, pour une musique qui, elle, est beaucoup plus orientée vers le rock. Alors avec Secret Beauty, on se trouve vraiment en présence d'une musique aérienne qui trouve sa source aussi bien dans des inspirations pop que dans des fugues de Bach, ou du côté de quelques maîtres à jouer pour Emmanuel Borghi, que peuvent être, par exemple, pour n'en citer que deux, Bill Evans ou Michael Tyner. Et ce qui est vraiment beau, c'est que le jeu d'Emmanuel Borghi, il est vraiment lumineux d'un bout à l'autre. Et puis il est comme porté par la rythmique très très souple constituée de Jean-Philippe Viret et de Philippe Soirat. Et donc c'est une union à la fois légère et profonde, et souvent tendre, mais cette tendresse, elle est jamais mièvre. Voilà, c'est une force tout en retenue. J'aime vraiment beaucoup. Et puis il faut aussi remercier deux musiciens, Bertrand Lajudy et Stéphane Chose, qui sont les patrons du label Asahi Records, qui avaient déjà publié Nebula, le disque d'Himiko, parce que vraiment leur soutien est essentiel. Allez, alors on va faire la place à la musique. Nous allons maintenant danser une petite valse dont le climat, vous verrez, n'est pas sans évoquer celui de My Favorite Things dans la version de John Coltrane. C'est une composition intitulée La danse de Milo. Alors je vais vous confier un petit secret, parce qu'Emmanuel Borghi, c'est un ami personnel. Milo, c'est le prénom de son fils, qui est aussi celui d'Himiko Paganotti, mais je ne vous ai rien dit. Allez, on écoute le trio d'Emmanuel Borghi avec Jean-Philippe Viret et Philippe Soirat, La danse de Milo. Thank you. La formule très équilibrée du trio piano, contrebasse, batterie, avec parmi les musiciens, donc Emmanuel Bourgui piano, Jean-Philippe Viret contrebasse, que l'on écoutait dans un remarquable solo, Philippe Soir à batterie. Denis, vous nous avez apporté cet album qui a pour titre Secret Beauty, le thème La danse de Milo. Voilà, un disque que j'écoute depuis un petit bout de temps, puisque Emmanuel Bourgui a eu la gentillesse de me confier l'écriture du texte pour son dossier de presse. Donc, les beautés de ce disque ne pâlissent pas avec les jours qui passent. C'est vraiment c'est une très très belle réussite dans une formule jazz qu'on va qualifier de classique, mais vraiment très réussie, comme vous l'avez souligné, très équilibré. C'est un trio vraiment très équilibré. On peut également signaler le jeu tout en finesse de Philippe Soir à la batterie. Voilà, donc c'est vraiment un disque. Pour succéder à Emmanuel Bourgui, vous avez fait appel à un musicien que l'on connaît parce qu'il fait partie déjà de l'orchestre de l'ONJ d'Olivier Benoît, c'est Fidèle Fourneron, tromboniste, et qui là propose un album tout à fait original qui a pourtant... Non, alors, Animal ou Animal, je ne sais pas comment c'est dire. Animal, c'est tout à fait français. Oui, vous avez raison de rappeler que, bien sûr, Fidèle Fourneron est l'actuel tromboniste de l'ONJ, puis en plus, c'est quelqu'un qui n'a pas été inactif durant les quatre dernières années, puisqu'on l'a retrouvé à deux reprises, je vous donne quelques exemples, à deux reprises au sein du trio Poco Loco. Il a également travaillé à une création franco-cubaine en grand orchestre qui s'appelle Kevola en 2015. Et puis, cette année-là, il avait également publié High Fidelity, disque solo. Donc, cette fois, il revient en trio, entouré de Joachim Florent à la contrebasse. Joachim Florent, c'est un membre du collectif Coax. Et puis, j'allais le qualifier du tourbillonnant Sylvain Darifour qui a la batterie, qu'on connaît non seulement parce qu'il a été longtemps membre du quintet d'Émile Parisien pendant une dizaine d'années, mais aussi parce qu'il s'illustre dans différents projets tous plus fous les uns que les autres, et très originaux, par exemple comme In Love With, pour en citer un seul. Alors tous les trois, vous le rappeliez, ont choisi de défendre la cause animale avec un disque qui s'appelle Animal, et dont les compositions, on va les citer pour qu'on comprenne bien, ont pour titre singe, chat, fourmi, baleine, bison, coq, souris et loup. Donc c'est un bestiaire qui est l'occasion pour le trio de s'accaparer un mouvement ou une posture observée chez les animaux pour développer un langage musical d'une grande vivacité. Il faut imaginer des petites bêtes qui bougent ou plus ou moins vite. Voilà, c'est comme ça, c'est un bon fil rouge pour l'écoute du disque. Et puis, comme vous savez que je suis un peu taquin et malicieux et que je ne voudrais surtout pas en matière de jazz vous qualifier de vieux singe, on va quand même nous amuser en compagnie d'un singe. Alors vous imaginez la petite bête qui saute, qui passe de branche en branche, suspend, court, bah voilà, vous y êtes. Voici Singe par Fidèle Fourneron et son trio, extrait de l'album Animal. Thank you. toutes les ressources du trombone utilisé par Fidel Fourneyron, qui là fait preuve d'une grande virtuosité. C'est vrai que le trombone est un trombone à coulisses, mais il faut aussi bien savoir s'en servir. Et là, il évoque un des différents animaux qui font partie de son nouvel album Animal. Je crois que c'est 8 animaux qui évoqués. Ça, et donc là, le choix que vous aviez fait, Denis, c'est le singe en train de se promener. C'est, je crois, un disque à faire écouter aussi à des enfants. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est important de façon générale d'essayer de faire entendre aux oreilles des plus jeunes des musiques un peu différentes, peut-être de celles qu'on leur fait couler nonchalamment dans les oreilles. Donc oui, ça, c'est une bonne entrée en matière. Et moi, j'imagine très bien Fidel Fourneyron, d'ailleurs, devant un public d'enfants, échangeant avec eux à ce sujet. Donc, et voir si ces évocations sont ressenties de la même manière par les enfants. Oui, je crois qu'il y aura une confrontation tout à fait intéressante. En tout cas, c'est un beau disque publié chez ONG Records, qui est paru le 25 mai. Alors maintenant, si, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire. Non, je vous laisse. On va partir en Suède pour découvrir, ou peut-être redécouvrir, hein, je ne sais pas, Sophie Sörman, qui est une chanteuse qui s'était fait connaître en France il y a quelques années avec un beau disque intitulé Ripples, les ricochets. Et à cette occasion, elle était entourée d'un trio de musiciens bien connus dans le monde du jazz. Il y avait Armel Dupas au piano, Johan Eschepuig à la contrebasse et Karl Januska à la batterie. Et au moment de la sortie de Ripples, mon camarade Michel Arsens, qui avait écrit une chronique pour Citizen Jazz, dans laquelle il disait, et je reprends ces mots, parce que je trouve qu'ils sont bien choisis, « Derrière l'aisance apparente, sous une joliesse cristalline qu'on aurait tort de prendre pour de la banalité, on découvre de l'intelligence, de l'émotion et même une certaine inquiétude. L'étoffe dont sont faites les vrais chanteurs ou chanteuses. » Eh bien, tout ce qu'il écrivait au sujet de ce disque vaut, à mon sens, parfaitement pour son nouveau disque, Vindarna, qui signifie le vent en suédois et qui est publié chez Absilon. La chanteuse est accompagnée du même trio dont le jeu allie précision, discrétion, minimalisme, au point qu'on pourrait presque qualifier ces musiciens d'impressionnistes. Mais la grande différence avec le disque précédent tient au fait que Sophie Sörman chante exclusivement en suédois et que Vindarna est sans doute pour elle un tournant dans la mesure où elle s'écarte d'un langage spécifiquement jazz, non pas qu'elle se détourne de ce dernier, mais parce qu'elle va ouvrir sa musique aux influences qui l'ont constituée depuis son enfance. Des chants traditionnels, des chansons aux accents plus pop, et sur une période qui va du 18e siècle aux années 60. Elle précise d'ailleurs, je la cite, « La naissance de ma fille Sia a conforté mon désir d'un retour à mes racines, au chant et à l'écriture de paroles en suédois et m'a ouverte à de nouvelles émotions. » Et plus qu'une affirmation musicale, Vindarna, c'est en quelque sorte le disque d'un accomplissement. Voilà, ce qu'on pourrait nommer une réalisation au sens philosophique du mot, comme un rêve qui est devenu réalité. Alors, je vous propose d'écouter un chant traditionnel danois adapté en suédois qui, en d'autres temps, avait fait l'objet d'une adaptation par des musiciens de jazz, mais dans une version instrumentale, comme le firent par exemple Oscar Peterson et Ulf Akenius. Cette chanson s'intitule « Iskogens djupa stilla ro ». Comme vous avez compris, ça signifie dans le silence profond de la forêt. Écoutons donc ce très beau silence chanté par Sophie Sörman. Glada song. La voix de Sophie Sörman, une voix qui vient du pays nordique. Hein, la Suède. Et, voilà. Et qui est accompagnée par un trio piano contrebasse batterie et qui chantait une mélodie traditionnelle de son pays. Alors, c'est un traditionnel danois qui a été traduit en suédois. Et l'Europe est là, avec ou sans Union européenne d'ailleurs. C'est le titre de l'album Vindarna. Qui signifie le vent. Voilà, le c'est vent. Un vent bien agréable. Vous pratiquez les langues. Ah, mais toutes les langues, moi, oui. C'est oui. Parfait. Oui, on m'appelle Google, d'ailleurs. Ça veut dire pour ça qu'on va passer à... En fait, je vais vous confier quand même un secret. J'ai écrit le dossier de presse du disque Vindarna et j'ai beaucoup échangé avec Sophie Sörman qui m'a donné toutes les explications, les traductions, toutes les paroles. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup de mérite, c'est elle qui a fait le travail. Mais merci beaucoup d'avoir apporté cette voix avec que plaisir. Je ne connaissais pas et que nos auditeurs vont peut-être découvrir. Ah, je pense qu'ils devraient, mais normalement. Alors, Denis, autre personnalité, Ichiro Onoe. Ah, alors oui, alors cette fois, on file au Japon, même si le batteur Ichiro Onoe a établi ses quartiers en France, hein, bah, comme Sophie Sörman d'ailleurs, hein, qui réside en France depuis quelques années. Alors, vous vous souvenez peut-être que je vous avais présenté le précédent disque d'Ichiro Onoe qui s'appelait Wind Child, c'était en 2014, qu'il avait enregistré sur le même label, Promised Land, avec le même quartet que celui qui est à la manœuvre sur ce nouveau disque qui s'appelle Miyabi. Alors, en japonais, Miyabi, vous voyez, je parle toutes les langues, hein, vous avez raison, signifie raffinement, élégance. Mais il faut savoir aussi que le caractère Miyabi fait partie du nom de la musique traditionnelle japonaise Gagaku. Et je tiens à remercier Ichiro Onoe qui a eu la gentillesse de me donner lui-même ses explications, parce que sinon je n'en savais absolument rien. C'est quand même intéressant de le savoir. Surtout que, Ichiro Onoe a beau revendiquer des influences comme celle de John Coltrane, Charles Mingus, Weather Report ou Bob Minster, ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de Miyabi réside dans le fait qu'Ichiro Onoe a intégré plusieurs thèmes initialement composés pour des instruments traditionnels japonais qu'il a ensuite arrangé spécialement pour ce quartet, et c'est d'autant plus réussi que la complicité des musiciens elle est parfaite. Ichiro Onoe peut vraiment s'appuyer sur Geoffrey Seko au saxophone, Ludovic Alamat au piano et le hongrois Mathias Sandai à la contrebasse, je ne sais pas si on dit Sandai ou Sandé d'ailleurs, pour soutenir une très très belle conversation jazz dont le groove, j'allais dire, est presque félin tellement il semble souple. Voilà. Et Miyabi donne à entendre une musique vivante, très charnelle, qui finalement à sa façon est une définition du jazz. Hein. Et en tout cas, le disque prouve, s'il en était besoin, que Kichiro Onoe est un des batteurs les plus séduisants qu'on peut écouter sur la scène jazz actuelle. Alors on va donc découvrir la composition qui ouvre ce très beau disque, une composition intitulée Conspiratio, c'est du latin cette fois, et vous avez, je pense, deviné que ça signifiait conspiration. On écoute Monsieur Ichiro Onoe pour Jazz Time. nouvel album du batteur Ikiro Onoe, un album qui a pour titre Miyabi, et c'est un album qui sort cette semaine sur le label Promise Land et que nous a apporté Denis. Voilà, et c'était une belle découverte. C'est un musicien que j'aime beaucoup sa subtilité et puis sa manière de passer sa propre personnalité à travers un langage jazz qui est finalement assez classique, hein, mais dans le bon sens du terme. Un enregistrement d'ailleurs de très grande qualité. Oui, et qui, donc oui, vous l'avez dit, qui est sorti sur le label Promise Land. Alors, bon, le temps passe, surtout quand on écoute d'aussi belles musiques, mais il me reste juste le temps de vous parler d'un des plus beaux disques du moment. Je ne suis pas loin de penser qu'il s'agit même d'un des grands disques de l'année. Il est signé d'un musicien passionnant, le saxophoniste Christophe Moniaux, qu'on avait écoutez, il n'y a pas si longtemps, notamment dans son trio avec Rhoda Scott. Et il est ici entouré d'un grand ensemble qui compte lui-même parmi les belles formations du moment. J'ai nommé le grand orchestre du Tricot. Et pour parfaire le tableau, cette Jericho Sinfonia, c'est le nom du disque, voit le jour sur le label Ayler Records, sur lequel veille avec passion, amour, un monsieur pour lequel j'ai le plus grand respect, qui est un ami, qui est Stéphane Berland. Alors, de quoi s'agit-il donc ? On pourrait appeler la Jericho Sinfonia un projet opératique, hein, pour utiliser des grands mots. On peut y entendre des voix enregistrées, qui évoque l'effondrement des murailles de la ville de Jéricho. On entend également des scientifiques qui parlent de la vibration, de la résonance et de tout ce que ça peut susciter comme risque d'effondrement, justement. Le tout est assorti, mêlé à des compositions qui sont arrangées pour le grand orchestre du Tricot. Et le livret a été écrit par Sylvie Gastaud, mais repose sur un ensemble d'interrogations scientifiques et mystiques qui peuvent renvoyer à l'Ancien Testament et au livre de Josué. Voilà. Bon, ceci dit, pour résumer rapidement ce projet de Jericho Sinfonia, et les arrangements, voilà, pour parler de la musique elle-même, sont d'un grand raffinement. Et la réussite, à mon sens, de Jericho Sinfonia, je ne suis pas le seul à le penser, tient à l'équilibre entre les voix parlées et le travail de l'orchestre. Christophe Moniaux, qui joue ici des saxophones sopranino et alto, est accompagné par le pianiste Roberto Negro, les trompettistes Alain Regardin et Johan Lustalo, les trombonistes Jean-Baptiste Lacoux et Alexis Persigan, les saxophonistes Gabriel Lemaire et Quentin Biardot, le guitariste Guillaume Macnin, le violoncelliste Valentin Secaldi, les batteurs Adrien Chenbeau et Florence Satch. Bon, en d'autres termes, c'est du beau monde. Voilà, donc c'est un disque qui, à mon avis, à écouter avec beaucoup d'attention, parce qu'il est plein d'interventions passionnantes et de surprises. Dans l'extrait qu'on va écouter, on entendra par exemple la guitare de Guillaume Macnin. Alors, c'est difficile de s'en faire une idée par un seul extrait, mais il faut bien faire un choix. Alors, comme je suis quelqu'un de très pacifique, je vous propose d'écouter une composition intitulée « Pénombre », Christophe Moniaux, le grand orchestre du Tricot et leur Jericho Sinfonia. Ça sert à quoi plus tard? regrette un peu d'interrompre l'exposition de ce thème. L'orchestre, le grand orchestre du Tricot, dirigé par le saxophoniste Christophe Moniaud, une œuvre riche de références spirituelles et musicales. Et scientifiques. Tout à fait. Et donc, merci Denis de nous avoir proposé une écoute un peu courte de cet extrait de Jericho Sinfonia, l'œuvre de Christophe Moniaud, auteur des compositions, et bien sûr sa participation à cet orchestre qui comporte une douzaine de musiciens. Voilà, c'est le grand orchestre du Tricot et qu'on a déjà écouté, notamment dans son hommage à Lucienne Boyer récemment. C'est une formation passionnante. Christophe Moniaud aussi est passionnant. Et c'est donc eux qui nous accompagnent pour refermer ce numéro de Jazz Time. Un grand merci à Denis qui a fait le choix des interprétations qu'il nous a proposées et on l'invite à revenir dans quelques semaines. Je serai là, comptez sur moi. La réalisation technique était assurée par Quentin. Merci à lui et je vous retrouve moi dans une semaine pour une spéciale Jazzpot. Nous avons demandé au maître d'ouvrage du festival de Thionville d'être présent et on commentera largement le programme de Jazzpot à Thionville. À bientôt. Au revoir. Au revoir.